Il est 8h20. Et M. Dion, bonjour. Laisse-moi être le premier, Marc-André, qui te souhaite bon anniversaire. Plus capable. Bonne idée aussi d'avoir ta fête. Merci beaucoup, Patrick. Merci. On va commencer avec un documentaire là, qui a fait beaucoup jaser hier et ces derniers jours. Un documentaire sur la culture des planchistes, de la culture du skateboard, des skateparks. Ouais. Même si j'habite pas en banlieue, j'aime beaucoup les blogs Rive-Nord et Rive-Sud de Radio-Canada. Je trouve qu'ils apportent un regard différent sur des territoires que j'ai vraiment plein de préjugés. C'est-à-dire la banlieue. Et plus local, surtout, là. Ouais, mais aussi, ils dépassent, tu sais, je veux dire, ils vont ailleurs. J'aime beaucoup ça. Malheureusement, on apprenait la semaine dernière que les deux blogs se sont fait mettre la hache dedans par Radio-Canada. Alors, c'est dommage, voilà. Mais qu'on va peut-être réintégrer certaines portions de ce projet-là web. C'est sûr qu'on va les réutiliser quelque part, là, mais en tout cas, je trouvais ça le fun, d'avoir un regard différent, voilà. Mais pour son dernier tour de piste, donc, le blog Rive-Sud propose le documentaire Le Skatepark du réalisateur Simon Coutu, comme tu le disais, qui jette un regard particulier sur le parcours des pionniers du skateboard au Québec des années 90 à aujourd'hui. Alors que certains sont devenus champions du monde, peut-être l'ignorais-tu, mais il y a un champion du monde qui est québécois et d'autres sont devenus des hommes d'affaires aguerris, toujours dans le domaine de la planche. Donc, à travers des images d'archives et des entrevues, le reportage retrace l'histoire du skateboard au Québec et plus particulièrement au skatepark de Boucherville. C'est donc un webdoc d'une durée d'un peu plus de 20 minutes qui est vraiment super intéressant, même pour moi qui est pas un tripeux de planche, mais j'ai vraiment accroché au documentaire. Je trouve que justement d'apprendre qu'il y avait ce champion du monde là qui était québécois, et on voit également le chef cuisinier Bob le chef dans le documentaire, à travers des images d'archives aussi. On le voit dans les années 90 avec son casque et ses cheveux longs. Ça a l'air qu'il en mange, en tout cas. Et oui, semble-t-il qu'il y a certaines banlieues aussi qui s'en sortent mieux que Montréal en termes d'infrastructure pour les planches à roulettes. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur le blog urbain du quotidien Le Devoir. Récemment, on a fait un article sur le skateboard à Montréal. Il y a beaucoup d'intervenants qui parlent dans cet article. Et ce qu'on apprend, c'est que Montréal fait pas beaucoup d'efforts pour favoriser cette culture-là. Les infrastructures sont délaissées. Et souvent, on prend une infrastructure, on la multiplie sur l'ensemble de l'île. Donc, il n'y a pas beaucoup de variété au niveau des infrastructures. Et en plus, il n'y a pas nécessairement des gens qui connaissent bien le dossier, qui ont contribué à fabriquer ces structures-là, à les designer. Donc, parfois, c'est plus ou moins bien adapté aux réalités. Non, c'est le fun, comme dans le documentaire, il disait, dans le fond, c'est le skatepark de Boucherville devenait la gardienne après les cours. On préfère voir nos enfants dans un skatepark que dans des coins sombres. On devait s'y attendre. En politique, Denis Coderre fait parler de lui, oui, je ne sais pas comment dire, avec les Coderreries. Oui, il y a certains qui l'aiment, d'autres qui le détestent, mais une chose qui est sûre, Denis Coderre ne laisse personne indifférent, surtout pas les rigolos. Derrière ce site qui s'appelle les Coderreries, peut-être te rappelleras-tu des Chrétienneries, d'ailleurs, qui avait fait deux recueils, le journaliste Pascal Beausoleil qui avait fait deux recueils qui colligeaient les commentaires délicieusement absurdes de l'ex-premier ministre du 4 novembre au soir. Eh bien, maintenant, c'est ça, on a droit au Coderreries, qui est un agrégateur de contenu public qui est disponible sur le web à propos du maire Denis Coderre. Donc, l'objectif premier des Coderreries est, selon les créateurs du site, de faire rire, mais on se comprend qu'il y a un deuxième objectif sous ça, c'est-à-dire de faire voir que Denis Coderre n'est pas nécessairement la bonne personne pour devenir le maire de Montréal. Le site est classé en quatre sections. Il y a des articles, des photos, des vidéos et une section Twitter. Donc, le site est très, très nouveau. Moi, je suis tombé dessus hier. Pas ça fait, de ouais, c'est ça. Il y a comme pas encore beaucoup de contenu, mais j'imagine que ça devrait se remplir assez rapidement d'ici aux élections parce que les internautes peuvent soumettre leur propre contenu. J'aime beaucoup la section photos avec des photos de spaghettis. Oui, spaghettis aux boulettes, probablement en lien avec son grand souper spaghettis. Exactement. Entre autres aussi, j'avais vu la photo qui comparait les deux équipes de celle de Union Montréal en 2009 et l'équipe de Coderre en 2013 avec les mêmes candidats sur les affiches. C'est assez particulier. Donc, les Coderreries au pluriel.com. Et notre cœur deviendra peut-être notre nouveau gestionnaire de mots de passe. Ben voilà. Ceux qui se mettent fréquemment les pieds dans la bouche sur Twitter ou Facebook vous le diront, c'est arrivé à tout le monde de se faire hacker son compte. Bon, OK. Peut-être pas, mais bon. Alors, alors moi, ça m'est pas arrivé. Peut-être toi. T'es plus populaire que moi sur la toile. Ouais, mais je me mets pas fréquemment les pieds dans la bouche. Ou je m'y mets tout le temps et je m'accepte. Je sais pas trop comment, comment voir ça, mais bon. Mais à l'heure où on cherche des nouvelles façons de sécuriser ses accès et au moment justement où Apple va peut-être intégrer la biométrie à son prochain iPhone, on va savoir ça la semaine prochaine, le 10 septembre, il y a un nouveau joueur qui vient d'intégrer le marché qui s'appelle Naimi et qui est un tout nouveau concept qui est assez éclaté, c'est-à-dire on remplace ses mots de passe par les battements de son cœur. Donc peut-être l'ignorez-vous, mais les battements du cœur sont uniques à chacun. Mon cœur bat plus vite, mon cœur bat moins. En fait, c'est des hauts et des bas entre les pulsations. C'est vraiment particulier. Et les battements de cœur sont uniques. Et contrairement à vos yeux ou à vos doigts, votre cœur ne peut pas être volé. Et là, comment on fait pour, je sais pas, débloquer son compte courriel ou... Ben voilà, c'est un bracelet qui est fixé à votre poignet et qui calcule les battements de cœur et les différentes fréquences et le champ électrique qui est modifié et que de cette façon-là, ça agit en tant que mot de passe de la même façon que l'empreinte digitale agirait de façon biométrique ou que l'œil agirait aussi de façon. Mais là, c'est pas fonctionnel donc pour les ordinateurs, c'est-à-dire qu'on aurait une montre puis on accède à tous nos. En fait, c'est un logiciel sur l'ordinateur. Ah, OK, il y aurait une. Et ça prend quand même. En fait, c'est plus que l'ordinateur parce qu'on veut l'intégrer aux voitures, par exemple, pour débarrer les portes à la maison aussi pour en domotique pour débarrer les portes de la maison. On veut aussi créer le système de paiement direct comme on a vu avec la puce NFC. Au lieu de prendre une puce NFC sur un téléphone, on pourrait comme ça avoir accès à du paiement automatisé, le porte-monnaie électronique sur ce bracelet-là. Ça, c'est vraiment super intéressant et c'est une compagnie de Toronto qui s'appelle Bionim qui est derrière ça. Donc le bracelet devrait être lancé sur le marché en 2014 et on peut déjà le précommander pour la modique somme. C'est élégant. 79 $. C'est un bracelet. Ouais, en fait, c'est pas pire. Je sais pas si tu as déjà vu un Nike Fuel Band, qui est une espèce de bracelet de course. C'est mince. C'est un petit peu fashion. Tantôt, tu parlais, Kim, d'une bague. Et toi, tu as renchéri avec la question de la nouvelle montre de Samsung qui a vu le jour hier. Mm-hmm. Alors voilà, peut-être un moment donné, Samsung va intégrer à son bracelet de montre ce fameux. C'est vraiment à ça que je pensais quand t'en parlais. J'ai failli le dire. Ouais, ben voilà. Mais peut-être que si toi, tu veux une bague, c'est peut-être moins pour toi. Mais un accessoire mode. Moi, peu importe, une montre, une bague, un bracelet, ça me va. La puce sous-cutanée, je trouve ça très efficace. Merci beaucoup, Patrick. De rien, bonne semaine.